إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى ثم اعلموا أنه لما كان الخوف من الله عز وجل أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى ذكر الله عز وجل الخوف في غير موضع من كتابه العزيز قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال جل وعلا وهم من خشيتهم مشفقون وقال سبحانه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وأعد الله عز وجل لمن حقق مقام الخوف أعد الله له الجزاء العظيم قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال الإمام القرطبي رحمه الله المعنى خاف مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية ثم اعلموا أيها المسلمون أن الخوف الصادق من الله عز وجل هو ما يدفع المسلم إلى البعد عن المنكرات والمسارعة إلى الخيرات وقد حذر الله عز وجل من تخويفات الشيطان ووساوسه فقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فالخوف من الله عز وجل هو هيبة في القلب لله سبحانه مع تعظيم وتعبد وخضوع وتذلل وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الشيطان يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد ويعظمهم في صدوركم فلا تجاهدونهم ولا تأمرونهم بالمعروف ولا تنهونهم عن المنكر وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان ثم حذر الله عز وجل في هذه الآية وبين لعباده الطريق الصحيح وهو عدم الخوف منهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس ولأن من عرف أن الخوف عبادة وأن صرفه لغير الله شرك لم يصرف لغيره وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم Chers musulmans et musulmanes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala en secret comme en public et sachez que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala Le fait d'avoir peur de son Seigneur subhanahu wa ta'ala fait partie des adorations les plus nobles et les plus méritoires. Pour cela qu'Allah azawajal, dans de nombreux versets, cite cette peur que doit avoir le musulman envers son Seigneur le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Il dit azawajal, dans le verset 50 de Sourate les abeilles, « Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux ». Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset de Sourate Al-Ahzab et ils le craignent et ne redoutent nul autre qu'Allah. Allah suffit pour tenir le compte de tout. Et Allah azawajal a promis une immense récompense à celui qui le craint, subhanahu wa ta'ala, seul. Il dit azza wa jal, dans le verset 46 de sourate le tout miséricordieux, et pour celui qui aura craint, et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il aura deux jardins. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, a dit en expliquant ce verset, c'est-à-dire celui qui redoute le jour où il sera devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, afin d'y être jugé. Et le fait de redouter cette situation le fait éloigner de toute forme de désobéissance. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la peur véridique qu'a le musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala et cette peur qui permet aux musulmans de s'éloigner de tout mal et d'accourir vers toute chose bonne. Et Allah azza wa jal nous a mis en garde contre toute intimidation du diable et contre toutes ses insufflations. Il dit subhanahu wa ta'ala, ce n'est que le diable qui vous fait redouter ses alliés. N'ayez pas peur d'eux, mais de moi si vous êtes croyants. N'ayez pas peur d'eux, mais de moi si vous êtes croyants. La crainte d'Allah azza wa jal et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce sentiment qui enveloppe le cœur et qui est accompagné d'une immensification, d'une adoration, d'une humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dans ce verset nous cite que le diable va tenter de nous faire peur de ses alliés et il va faire en sorte de nous faire croire que ses alliés ont un pouvoir et qu'ils peuvent nous faire du mal. Ainsi, ses alliés ne seront pas combattus. Ainsi, en inculquant cette peur, le diable arrive à cette finalité qui est que les gens ne s'ordonnent plus mutuellement le bien et ne s'interdisent plus mutuellement le mal. Et ceci est une des ruses les plus immenses du diable vis-à-vis des gens de la foi. Puis Allah Azza wa Jal nous a dirigés vers la voie droite, authentique, celle que doit emprunter tout musulman, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, n'ayez pas peur d'eux. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Car celui qui a la foi, ceci implique le fait de précéder, de faire précéder la peur que tu as vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal devant la peur des gens. Et que celui qui sait que d'adorer, que la peur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal est une adoration, et que le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah est du polythéisme, ainsi le musulman ne craint et ne redoute nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus la foi de la personne est grande, et plus la peur qu'il peut avoir des alliés du diable se dissipe, et moins sa foi est grande, et plus sa peur des alliés du diable est grande. ثم علموا أيها المسلمون أن الخوف على ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، من وثن أو طاغوت أو صاحب قبر أو غير ذلك، أن يصيبه بما يكره أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك، كما قال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، وهو الواقع من عباد القبور ونحوها يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد، وهذا شرك أكبر. أما النوع الثاني من أنواع الخوف وهو أن يترك، وهو الخوف الذي من أجله يترك الجهاد على من يجب عليه الجهاد، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لغير عذر خوفا من بعض الناس، فهذا النوع محرم، وهو سبب نزول قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأما النوع الثالث فهو الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم كقوله سبحانه عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. وإن كان الخوف وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف فهو مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء وقد تعو يدخل صاحبه في وصف الجبناء وقد توعد صلى الله عليه وسلم من الجبن، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la peur est de trois sortes. Quant à la première peur, c'est la peur secrète. C'est le fait d'avoir peur d'autre qu'Allah Azzawajal, comme statue ou comme toute autre divinité adorée en dehors d'Allah, ou le fait d'avoir peur d'un défunt dans sa tombe ou autre, d'avoir peur que ces choses en dehors d'Allah ne l'atteignent d'un mal, ou que ces choses en dehors d'Allah s'énervent et privent d'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala ou autre, comme l'a dit Allah Azzawajal dans Surat Az-Zumar, et ils te font peur avec ce qui est adoré, avec ce qui est en dehors de lui. Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. Et c'est le cas malheureusement de ceux qui adorent les tombes et autres. Ils ont peur des habitants de ces tombes et ils font peur aux gens de ceci en leur disant que s'ils ne les adorent pas, que s'ils ne leur donnent pas des offrandes, eh bien qu'un malheur ou qu'un mal pourrait toucher ces gens. Et cette forme de peur, chers musulmans et musulmanes, est du grand polythéisme qui fait sortir de l'enceinte de l'islam. Quant à la deuxième forme de peur, c'est la peur qui amène à délaisser un combat dans le sentier d'Allah qui s'annonce obligatoire, ou le fait de délaisser, le fait d'ordonner le bien ou d'interdire le mal à cause de cette peur, qu'une personne aurait des gens sans excuse valable. Ceci est interdit. Et c'est ce pourquoi Allah Azza wa Jalla a révélé cette parole dans Surat Ali Imran. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, et ceux dont les gens ont dit, les gens se sont réunis contre vous, redoutez-les. En voulant faire peur aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils ne combattent pas les polythéistes. Quant à la troisième forme de peur, c'est la peur naturelle. Le fait d'avoir peur d'un ennemi, ou d'avoir peur d'une bête féroce ou autre, ceci n'est pas réprimandable. Car Allah Azzawajal a parlé de Moussa alayhi salam en disant, lorsqu'il a secouru cet homme de sa patrie contre son ennemi, et qu'il l'a tué, à Moussa alayhi salam, Allah Azzawajal nous informe qu'il sortit alors de la ville, craintif et regardant autour de lui. Il avait peur des ennemis qui pouvaient lui porter atteinte du fait qu'il avait tué la veille une personne. Cette forme de peur naturelle n'est pas réprimandable. Quant au fait d'avoir une peur d'une chose imaginaire, comme le fait d'avoir peur d'une chose qui n'a pas de cause réelle, ou avoir peur d'une chose qui est minable ou risible, alors ceci est réprimandable. Ceci est réprimandable et rentre dans ce qui est appelé en arabe al-jubn, qui est le contraire du courage, qui signifie le fait d'être froussard et d'être peureux pour la moindre chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection d'Allah contre cette forme de froussardise, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, je demande ta protection contre les soucis, contre la tristesse, contre la faiblesse et la paresse, contre la lâcheté et le manque de courage, contre l'avarice, contre le fardeau des dettes et la dominance des hommes. » Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم اعلموا أيها المسلمون أن من أسباب حصول الخوف والخشية من الله أمور، منها أولا تذكروا عظمة الله وجلاله وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، عزيز ذو انتقام لمن عصاه وخالف أمره. وكذلك تذكروا الأهوال التي أمام العبد من الموت وسكراته والقبر وظلمته والقيامة وأهوالها، وكذلك الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. فإن القلب إذا امتلأ بالخوف والمهابة والإجلال لله عز وجل أحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي. وفي قراءة كتاب الله عز وجل وتدبر آياته عظة وعبرة مع التزود بالعلم الشرعي. وقد وصف الله عز وجل العلماء بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il y a des causes qui permettent aux musulmans de craindre et de redouter Allah subhanahu wa ta'ala. La première de ces causes, qui est le fait de se rappeler l'immensité d'Allah azawajal et sa majesté, de se rappeler qu'Allah azawajal est dur en châtiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le tout-puissant, qu'Allah azawajal est le détenteur du pouvoir de punir, subhanahu wa ta'ala. Il punit celui qui lui désobéit et celui qui va à l'encontre de ses ordres. Ainsi, également fait partie des causes qui permettent aux musulmans de connaître la crainte et la peur d'Allah azawajal et de se rappeler toutes ces étapes qui attendent chaque être humain après la mort. Après la mort et ses supplices, il y a la tombe et ses ténèbres. Il y a le jour du jugement et toutes les épreuves qui y sont présentes. Et également, ce qui aide à craindre Allah Azzawajal, c'est d'invoquer Allah Azzawajal et de s'en remettre à lui, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait son Seigneur subhanahu wa ta'ala en disant: « Oh Allah, donne-moi une partie de ta crainte qui me permettra d'être un obstacle entre nous et ta désobéissance. » Ainsi, de demander à Allah Azzawajal de le craindre et de le redouter, et qu'Allah Azzawajal fasse de cette crainte et de cette peur que l'on a vis-à-vis de lui, subhanahu wa ta'ala, un rempart entre nous et toute forme de désobéissance. Et sachez que le cœur, lorsqu'il est plein de crainte et de peur d'Allah Azzawajal, lorsqu'il reconnaît la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette peur du cœur fige l'ensemble des membres du corps, qui les empêche totalement de lui désobéir de quelque forme que ce soit. Puis sachez qu'il y a dans la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la méditation de ces signes et de ces versets, subhanahu wa ta'ala, il y a certes dans cela un bien et une morale. Ajoutez à tout ceci la science juridique, la science présente dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'apprendre la science islamique permet aux musulmans de craindre et de redouter Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela ne serait-il pas vrai? Alors qu'Allah Azzawajal a qualifié les savants, les héritiers des prophètes, ceux qui détiennent la science du Coran et de la Sunna, Allah Azzawajal les a qualifiés en disant: ne redoute véritablement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Asallallahu Azzawajal an yarzuqana khashyatah. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما نحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.